Il est bien sûr question du fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Et le monsieur en question, c'est Karim Keïta, qui est sous mandat ici suite à l'assassinat d'un jeune. Il doit venir comparaître.